Chapitre 2e, au Tennis Club. Ce jour-là, Nick Carter ne rentra pas coucher chez lui. Il passa la nuit dans un des nombreux pied-à-terre qu'il avait dans les différents quartiers de New York. C'était une bonne précaution. Les malfaiteurs qui étaient responsables de la disparition de Henry Powell devaient savoir en effet que Nick Carter était allé voir la sœur du millionnaire. Comprenant alors que le grand détective était chargé d'ouvrir une enquête, ils avaient sans doute posté des complices devant l'hôtel particulier du maître pour observer les allées-venues de ce dernier. Nick Carter avait convenu avec son cousin Chick que celui-ci se trouverait le lendemain soir devant l'hôtel du Tennis Club Victoria. Chick porterait un déguisement et se tiendrait prêt à intervenir, car le maître s'attendait à être filé par les malfaiteurs lorsqu'il sortirait du club. Le lendemain, dans l'après-midi, Mr. Edward Powell, de Saint-Louis, descendit en effet du train à la gare de New York et se rendit sur le champ à l'hôtel particulier de son frère, 234 7e avenue. Le déguisement que le grand détective s'était composé pour jouer le personnage d'Edward Powell était admirablement réussi. Nick avait adopté une mise élégante et distinguée, il portait des favoris bruns, et ressemblait à s'y méprendre à l'homme dont Miss Helen lui avait remis la photographie la veille. Helen Powell elle-même fut stupéfaite en voyant entrer le détective. Elle recula involontairement et demanda: « Est-ce vous, Mr. Carter, ou est-ce mon frère Edward? Vraiment, je ne sais plus que penser. » Le maître se mit à rire. « Je suis ravi, Miss Powell, de voir que mon déguisement remplit aussi bien son but. » Miss Powell exprima au détective l'admiration que lui inspirait son talent. Dans son fort intérieur, elle doutait, à vrai dire, que Nick Carter fît un pas vers la solution de l'énigme en allant au Tennis Club, mais elle n'osa rien objecter au désir du détective. Le soir, quoiqu'elle se sentît un peu souffrante, elle alla donc avec le maître à l'hôtel du club. Il y avait précisément ce jour-là beaucoup de monde. Les membres de la société exprimèrent à Miss Helen leur sympathie et leurs condoléances. Mr. Edward Powell lui aussi sa part de ses témoignages. Nick Carter s'était encore fait décrire exactement par Miss Helen le caractère et les façons d'Edward Powell et se conformait scrupuleusement aux indications que la jeune fille lui avait données. Il se montrait fort taciturne, allait venait d'un air ennuyé dans les salons et répondait avec indifférence à ceux qui lui adressaient la parole. Cependant, il ne cachait à personne que la disparition de son frère lui causait une grande anxiété et qu'il était venu à New York pour rechercher Henry Powell. Tout en allant et venant dans les salons du club, il étudiait à la dérobée les personnes présentes. Nick Carter était forcé de s'avouer que c'était une tâche bien difficile de découvrir un coupable au milieu de cette foule de gens distingués et considérés. Il avait pourtant l'intuition que c'était au club qu'il ferait un premier pas vers la solution du mystère. Les empreintes qu'il avait étudiées dans le cabinet noir à côté de la chambre de Powell et qui lui avaient révélé le passage d'un homme chaussé de souliers de tennis lui donnaient la conviction qu'un des malfaiteurs avait ses grandes et ses petites entrées au tennis club. Dès son arrivée, le détective avait constaté avec satisfaction que plusieurs des gentlemen présents portaient des souliers de tennis. Ils avaient passé l'après-midi sur les terrains de jeu et étaient venus directement de là au club. À vrai dire, il est difficile, mais pour l'œil le plus exercé, de s'apercevoir si quelqu'un a les pieds de grosseur différente, surtout quand cette inégalité se réduit à quelques millimètres. Pour atteindre son but, Nick avait imaginé un procédé particulier. Il s'était muni d'une poire en caoutchouc contenant une fine poudre blanche. Il s'installa à côté du buffet, où il se faisait servir de temps en temps une boisson glacée, et sema avec la poire une légère couche de poudre sur le parquet devant le comptoir. Cette fine couche grisâtre était presque imperceptible, mais pour l'œil perçant du détective, c'était tout à fait suffisant. Nick s'appuyait flegmatiquement à une colonne, à côté du buffet, et baissait la tête, l'œil rêveur et ennuyé. Les gentlemen présents s'approchaient, les uns ou les autres, du buffet pour prendre quelque chose. Quand ils étaient partis, la trace de leurs pas restait marquée sur la fine couche de poudre. L'empreinte que le maître avait relevée dans la poussière du cabinet noir de Powell était remarquable par la grandeur de ses dimensions. Si Nick avait remarqué à présent un pied de grande taille, il n'aurait pas hésité à recourir à une ruse quelconque pour mesurer l'empreinte sur la poudre blanche. Mais les gens allaient et venaient et le détective ne semblait pas s'émouvoir. Quand les empreintes étaient trop brouillées, il s'approchait du buffet pour commander quelque chose et se mit à dérober une nouvelle quantité de poudre sur le parquet. 2 heures s'étaient écoulées déjà depuis que le maître était au club. Il commença à douter de parvenir à un résultat. Il venait de se faire donner un verre de citronnade et avait profité de l'occasion pour renouveler la couche de poussière devant le buffet. Miss Powell arriva en compagnie d'un homme grand et maigre, imberbe. Ce dernier personnage avait quelque chose d'antipathique qui incita aussitôt le détective à la prudence. Hélène aborda le maître et dit « Je rentre à la maison, Edward. Mon mal de tête ne se calme pas et j'ai besoin de repos. Tu peux rester encore si ça te fait plaisir. » « Oui, je reste. Meilleure santé, » répliqua laconiquement le détective. « Permets que je te présente Mr. Joe Thompson, un des plus anciens membres du club Victoria. Il désirait faire la connaissance du frère du malheureux disparu, Mr. Thompson, mon frère, Edward Powell de Saint-Louis. » L'homme tendit la main au prétendu frère d'Allen, et Nick Carter constata que sa main était froide et moite. Il avait l'impression de toucher un serpent. Le regard de ce personnage avait aussi quelque chose de perçant, de rusé, qui ne plaisait pas au détective. « Enchanté, monsieur, de faire votre connaissance, » dit Thompson d'une voix au timbre désagréable. « Je partage les soucis que vous cause la disparition de votre frère. La longue amitié qui m'unit à la famille Powell m'autorise à vous offrir sans réserve mon concours pour vous aider dans vos recherches. »« Je vous remercie, monsieur, » repartit Nick Carter, flegmatique. « Je vous suis très obligé. J'accepte avec reconnaissance votre offre amicale. » Helen Powell prit congé des deux hommes et quitta bientôt le club avec son auto. Nick resta devant le buffet avec Thompson. « À ce que Miss Powell m'a dit, » observa ce dernier, « vous vous êtes assuré les services du détective Nick Carter. » Nick haussa les épaules. « Ce n'est pas moi, c'est ma sœur Helen. Elle a eu tort, grand tort, » déclara Thompson en secouant la tête d'un air de regret. Nick Carter est à mes yeux un gigantesque farceur, un incapable qui n'a d'autre talent que celui de savoir se faire de la réclame. Je vous engage vivement à le remercier, car s'il se mêle de cette affaire, il ne fera qu'embrouiller les choses. Nick n'avait pas sourcillé. Je ne suis pas non plus l'ami de ce détective, grommela-t-il. J'y réfléchirai. Si ce Carter ne m'annonce pas d'ici demain de résultats décisifs, je lui dirai d'aller au diable. Faites-le, c'est le plus sage. Nous abattrons de bien meilleures besognes à nous deux. Nous chercherons des indices, et je suis persuadé que nous retrouverons la trace de votre frère, tandis que ce détective vous coûterait très cher, et ne ferait rien de bon. » Nick Carter tendit la main à son interlocuteur. « Topez-la. Comme vous le dites très bien, nous résoudrons l'affaire à nous deux. » Les deux hommes échangèrent un vigoureux shake-hand, et pourtant chacun d'eux était animé de sentiments tout différents de ceux qu'il exprimait. « Nous pourrons passer ce soir encore 2 ou 3 heures ensemble, afin de tenir conseil sur ce qu'il conviendrait d'entreprendre. » observa Joe Thompson, très volontiers. Bon, c'est entendu alors. Thompson alla au buffet et se fit servir un whisky. Le grand détective, qui était resté en arrière, abaissa son regard sur les empreintes que les pieds du personnage avaient laissées dans la fine poussière sur le parquet. Il tressaillit, comme électrisé. Le maître savait à présent qu'il avait trouvé son homme. L'empreinte de la semelle de droite était un peu plus large que celle de gauche. Thompson avala d'un trait son verre de whisky et se retourna vers Nick. « À présent, Mr. Powell, nous partirons quand vous voudrez. »« Partons donc. » Un garçon arriva à cet instant. « Mr. Thompson, » appela-t-il, « on demande monsieur au téléphone. »« Bon, j'y vais. Un moment, Mr. Powell. » L'homme courut à la cabine téléphonique. Cependant, Nick Carter se hâtait d'agir. Il tira son mouchoir de sa poche et fit tomber, comme par mégarde, quelques pièces de monnaie. En se baissant pour les ramasser, il prit la mesure des empreintes de Thompson, et cela avec tant d'adresse et de promptitude que personne ne s'en aperçut. Les mesures concordaient exactement avec celles des empreintes que le maître avait relevées dans le cabinet noir chez Powell. Cette opération avait duré seulement quelques secondes. Le détective s'approcha sans avoir l'air de la cabine téléphonique, dans l'intention de surprendre la conversation que Thompson tenait avec son correspondant. Il entendit à travers la porte ce dernier proférer un juron et dire « C'est bon, j'y vais tout de suite. Il ne le portera pas au paradis. » La porte de la cabine s'ouvrit. Joe Thompson sortit précipitamment. En apercevant le prétendu Edward Powell, il s'écria. « Excusez-moi, Mr. Powell, mais je suis forcé de rentrer immédiatement chez moi. J'espère être bientôt de retour, si vous voulez m'attendre. All right, j'attends. Mais ne restez pas trop longtemps, Mr. Thompson. » Joe Thompson n'écoutait déjà plus. Il sortit hâtivement de la salle. L'intention de Nick Carter était de le suivre afin de le filer. Mais à cet instant, il fut appelé au téléphone par Helen Powell pour une chose importante et de la plus grande urgence. Il demeura une seconde hésitant. Que devait-il faire? Laisser partir Thompson pour écouter ce que Miss Helen avait à lui dire? ou suivre le scélérat sans s'inquiéter de l'appel téléphonique de la jeune fille. S'il avait pu avertir Chick, la difficulté eût été résolue, car le premier aide du détective aurait pu se charger de filer Thompson. Le garçon répéta que Miss Powell, en jugé par le tremblement de sa voix, devait être en proie à une grande émotion. Alors Nick courut à l'appareil. « Allô, c'est Edward Powell. » La voix désespérée d'Hélène retentit à l'autre bout du fil. « Venez immédiatement. Ce qui se passe est épouvantable. Mon frère est dans un état, il me fait peur. J'y vais. » Le détective croyait deviner ce qui se passait. Les membres du tennis club, qui étaient encore présents, virent avec surprise Edward Powell se départir subitement de son flegme, passer précipitamment au vestiaire pour prendre son pardessus et son chapeau et descendre l'escalier en courant. Une fois dans la rue, il fit d'abord à vive allure une centaine de pas et ralentit pour attendre son cousin Chick qui était sorti de l'encoignure d'une porte cochère et se dirigeait de son côté. « As-tu observé le grand gentleman maigre qui est sorti du club il y a 2 minutes ?» demanda le maître. « Oui, il a été prendre une voiture sur la place de la station. »« Diable, alors tu ne peux espérer le rattraper. Dans quelle direction a-t-il parti ?» Vers le sud. Nick arracha ses favoris et ôta son pardessus. « Tiens-moi ça. Fais-toi de mon mieux la tête d'Edward Powell et guette devant l'hôtel du club le personnage dont nous venons de parler. Il s'appelle Joey Thompson, mais n'entre pas, car à la vive lumière, on pourrait s'apercevoir de la substitution. Thompson doit revenir pour me conduire en un lieu tranquille où nous pourrons discuter ensemble les démarches à entreprendre en vue de retrouver mon prétendu frère Henry. » Il s'est offert à m'aider par amitié, prétend-il. Mais sois prudent. Joe Thompson est de connivence avec les malfaiteurs. C'est lui qui a laissé ses empreintes de pas remarquables dans le cabinet noir chez Powell. Tout en parlant, Nick avait remis à son cousin la perruque et les favoris postiches qui lui avaient servi à se composer la tête d'Edward Powell, ainsi que son pardessus et son chapeau. Il prit le pardessus et le chapeau de Chick, qui était fort élimé, car Chick avait adopté la mise d'un gueux. « Je serai peut-être de retour avant Thompson. Alors je reprendrai mon rôle, mais dans le cas contraire, tu me remplaceras, au risque d'être démasqué. Nous avons absolument besoin de savoir ce que Thompson se propose à l'égard du prétendu Edward Powell. » Après avoir donné à son cousin ses instructions hâtives, le maître courut à la station des voitures et prit un cab. « 234, 7e avenue » cria-t-il au cocher. « Et brillez le pavé, il y aura 1 $ de pourboire. » Le cocher fouetta son corps à la tour de bras, et le détective était au but en 10 minutes. L'hôtel particulier des Powell était plongé presque entièrement dans l'obscurité. On distinguait seulement un faible reflet de lumière à une fenêtre du premier étage, qui, Nick Carter le savait, était celle de la chambre de Henry Powell. Il était près de minuit. Le détective tira énergiquement la sonnette, le portier vint ouvrir et demanda méfiant « Qui est là? Que voulez-vous ? » Nick Carter poussa la porte. « Miss Helen m'a appelé. » Alors une voix de femme résonna au fond du vestibule. « Monsieur Carter, est-ce vous ?»« Oui, Miss Powell. Dieu soit loué. Je vous attendais avec impatience. Je meurs d'angoisse. Je ne sais plus que faire. » Elle descendit l'escalier à la rencontre du maître et l'entraîna dans un salon dont elle alluma le lustre électrique. Nick Carter vit alors qu'elle tremblait des pieds à la tête et qu'elle était d'une pâleur mortelle. Elle se tenait les mains jointes devant le détective. « Mr. Carter, » dit-elle d'une voix tremblante, « Henry est là. Il est revenu. » « Je m'en doutais, » repartit le détective. « Mais pourquoi êtes-vous dans cet état, Miss Helen ?» Elle comprimait les deux mains sans s'agiter. « Oh, monsieur, je crois qu'il est fou, » s'écria-t-elle, désespérée. « Fou ?» répéta Nick. « Racontez-moi, s'il vous plaît, Miss Helen, comment il est revenu, et tâchez de ne pas omettre le moindre détail. » La jeune fille luttait vainement pour recouvrer son calme. Ce fut par bribes, en phrases hachées, entrecoupées de sanglots, qu'elle fit le récit suivant. « Je suis rentré à la maison il y a 3/4 d'heure. Le portier m'a ouvert. Ma femme de chambre est venue à ma rencontre dans le vestibule pour me prendre mon manteau et mon chapeau. Mon mal de tête était devenu intolérable. Pour me calmer un peu avant de me mettre au lit, je voulus aller chercher un cachet antinévralgique. Je passais pour cela dans une petite salle contiguë à la serre qui donne sur celle-ci par une porte vitrée. Il y a là un placard où mon frère et moi nous rangeons nos médicaments. J'ouvrais le placard pour chercher la boîte de cachet quand je reculais, saisi d'épouvante. La porte vitrée qui donne sur la serre venait de s'ouvrir. Vous jugerez de ma terreur si je vous dis que cette porte, comme celle du cabinet noir que vous avez visité hier, était condamnée depuis longtemps. Ce ne pouvait être un des domestiques de la maison qui rentrait par là, mais sur le moment je crus que c'était les malfaiteurs qui revenaient. je restais paralysé devant le placard. La femme de chambre, qui m'avait accompagné pour m'éclairer, était blême aussi de frayeur et pouvait à peine tenir la lampe dans ses mains tremblantes. Nous étions là, regardant fixement la porte qui s'ouvrait. Je poussai un cri en reconnaissant celui qui entrait, ou plutôt se faufilait par la porte, c'était mon frère Henry. Il se tenait courbé en deux, il était nu-tête, avec les cheveux en désordre, les traits altérés par l'angoisse. Il referma vivement la porte à clé derrière lui. « Henry !» m'écriai-je bouleversé. Il se tourna de mon côté, je crus lire dans ses yeux hagards une terreur sans nom et les symptômes de la folie. « Henry !» criai-je encore en m'arrachant ma stupeur. « Enfin, te voilà de retour. Dieu, que j'étais inquiète à ton sujet !» Il traversa la pièce sans faire attention à mes paroles, puis au moment de passer dans le vestibule, il se retourna et murmura. « Laisse-moi, Helen, on me poursuit !» Il s'éloigna précipitamment. Je le suivis, mais il courut à l'escalier, monta et s'enferma dans sa chambre. Quand j'arrivai à sa porte, je constatai qu'il s'était enfermé au verrou. J'eus beau frapper, le supplier de m'ouvrir, il ne voulut pas y consentir. Il me répondait toujours qu'il ne pouvait pas me laisser entrer, car ses poursuivants en profiteraient pour pénétrer avec moi. Alors, dans mon désespoir, je me suis mis au téléphone et je vous appelai. Vous réussirez peut-être à le convaincre, Mr. Carter. Vous avez bien fait, Dick. Je vais voir s'il consent à m'ouvrir. Le détective monta au premier et frappa à la porte de la chambre de Powell. « Mr. Powell ?» À peine avait-il lancé cet appel, qu'un juron se fit entendre dans la pièce et des paroles menaçantes parvinrent aux oreilles de Nick Carter. « Ah, voilà, chien ! Mais vous ne me reprendrez pas ! Je brûle la cervelle au premier qui ose m'approcher !» Une détonation retentit, une balle traversa le panneau de la porte, siffla à un pouce de la tête de Nick et alla se ficher dans le mur d'en face. Helen, qui était sur le palier, poussa un cri et courut à la porte. « Au nom du ciel, Henry !» gémit-elle. « Ne tire pas ! C'est le célèbre détective Nick Carter qui est ici et qui veut te défendre contre tes ennemis. Laisse-le entrer. Il tiendra un conseil avec toi sur la conduite à suivre pour arrêter les scélérats. » Un éclat de rire rauque accueillit ces paroles. « Non, non, non, je ne vous crois pas. Vous êtes tous de connivence. Je n'ouvrirai pas. Allez-vous-en ou je recommence à tirer. » Helen fondit en larmes. Nick s'efforça de la consoler. « Votre pauvre frère a dû passer par des épreuves terribles. Il est encore sous la pression des choses atroces auxquelles il vient d'assister. Mais il se remettra. Soyez tranquille. Il faut absolument que je pénètre jusqu'à lui. Je vais essayer de passer par le petit cabinet noir. » Helen demeura tremblante sur le palier, mais Nick Carter fit le tour par le vestibule du fond sur lequel ouvrait le petit cabinet noir. Il vite fait jouer la serrure au moyen de son passe-partout et entra sans bruit dans le cabinet. Là, il s'arrêta un instant et constata que la petite porte qui donnait sur la chambre à coucher était toujours ouverte, comme il l'avait laissée la veille après son inspection. Il se glissa à pas de loup jusqu'à la tenture et l'écarta doucement pour regarder. Le spectacle qui s'offrit à sa vue était étrange. Il y avait une veilleuse allumée, par terre, à côté de la fenêtre. Henry Powell s'était retranché dans l'angle de la pièce. Il avait construit une barricade avec la table et les chaises et se tenait derrière avec un fusil. Il penchait la tête du côté de la porte du palier principal à laquelle Nick avait frappé quelques minutes auparavant. Ces dernières circonstances étaient favorables. Powell ne faisait pas attention à la petite porte du cabinet noir. Aussi, Nick Carter put soulever la tenture avec précaution. Le grand détective bondit tout à coup dans la pièce, saisit avec la promptitude de la foudre le fusil du millionnaire surpris et le lui arracha. Il le jeta loin de lui, et comme Henry Powell tira un revolver de sa poche, il lui prit encore cette arme. Alors, le détective empoigna à bras-le-corps Powell terrifié et le souleva comme un enfant par-dessus la table. Il le fit asseoir sur une chaise et se planta devant lui. « Allons, Mr. Powell, plus de sottises à présent, » dit-il avec calme. « Votre sœur vous a déjà assuré que je ne pouvais pas de mal, et vous ne l'avez pas cru. Vous avez même tiré à travers cette porte et failli tuer un homme qui est ici pour vous défendre et vous aider à vous débarrasser de vos ennemis. » Powell, qui était blême de terreur, leva la main dans un geste de protestation. « Après ce que je viens de subir, je ne peux plus avoir confiance en personne, » murmura-t-il. « J'aimerais mieux mourir que de retourner là-bas. » « Je vous crois volontiers. Mais le lieu auquel vous faites allusion est, j'imagine, le repère d'une bande de malfaiteurs. Il faut livrer ces grenades à la justice. Je suis Nick Carter, le détective. J'ai déjà découvert des indices qui m'ont mis sur la piste de vos ennemis. Je vous demande seulement de tout me révéler et je peux vous certifier que cette nuit même, les misérables seront tous arrêtés. » Henry Powell semblait concevoir peu d'espérance. Il regardait toujours Nick d'un air craintif. « Êtes-vous réellement le célèbre détective ? » demanda-t-il. « Je suis Nick Carter, le détective, je vous le répète. Ayez donc confiance en moi. Racontez-moi ce qui s'est passé depuis l'autre nuit, lorsque plusieurs hommes, parmi lesquels Joe Thompson, se sont introduits dans votre chambre pour vous emmener. » Powell se mit à trembler. « Je veux bien croire que vous êtes Nick Carter, » dit-il, « et je me réjouirai cordialement si vous mettiez la main sur cette bande, mais je ne peux rien vous dire, je n'en ai pas le droit. » Nick Carter fit entendre un rire méprisant. « Vous avez fait alliance avec ces coquins. Vous avez bu le sang avec eux ici dans cette chambre en signe de fraternité. » Powell poussa une exclamation de surprise. « Ciel ! Alors vous faites partie de la bande, autrement vous ne pourriez pas le savoir. » « Non, je n'en fais pas partie et je suis pourtant enseigné. Mais qui vous a dit ? Deux gouttes de sang que j'ai trouvées dans cette chambre et des traces de sang que j'ai relevées sur les débris du verre cassé. » Henry Powell prenait peu à peu plus de confiance. « Je vois que vous êtes bien Nick Carter, » dit-il. « N'est-ce pas que mes conjectures sont exactes ? » reprit le maître. « Les bandits vous ont surpris ici, vous ont forcé à boire le sang avec eux, puis vous ont emmené dans leur repère où ils vous ont fait prêter un terrible serment. Vous avez juré de ne pas les trahir. La société dans laquelle vous êtes entré ainsi de force poursuit un but criminel. On ne vous l'a peut-être pas dit, mais c'est ainsi. Vous voyez que je me suis déjà formé une opinion sur votre cas, et votre mine me dit assez clairement qu'elle est exacte. Vous n'avez plus qu'à me révéler le nom de la société et le lieu de ces réunions, alors nous tiendrons la bande. » Henry Powell baissait la tête. « Je ne peux rien dire. Mon terrible serment, ce serait ma mort. La société est puissante. « Sa puissance, nous la briserons !» déclara gravement Nick Carter. « Parlez, Monsieur Powell, on n'a pas à tenir un serment quand on l'a prêté à des criminels. » Powell ouvrit la bouche pour répondre. Les couleurs étaient un peu revenues sur ses joues. Un nouvel espoir se reflétait dans ses yeux. Mais le mot qu'il allait prononcer s'arrêta dans sa gorge. Ses joues blêmirent de réchef. Ses yeux hagards restaient fixés sur la petite porte du cabinet noir, derrière le rideau de laquelle un léger bruit venait de résonner. La tenture s'écarta. Au même instant, Nick Carter sauta d'un bond derrière la barricade que Powell avait édifiée avec la table et les chaises. Cinq hommes entrèrent dans la chambre par la petite porte. Ils étaient masqués et brandissaient des revolvers. Le détective, un revolver à chaque main, se tenait prêt à recevoir les bandits. Il était contre la barricade et pouvait atteindre avec le pied la petite veilleuse posée sous la fenêtre. Mais Henry Powell restait prostré sur sa chaise et regardait avec horreur les mystérieux intrus qui se rangeaient en face de lui. Le chef de la bande vint se planter devant Powell. « Lève-toi, traître » ordonna-t-il. « Suis-nous. Tu n'échapperas pas au châtiment que tu as mérité pour avoir manqué à ton serment. Allons, viens !» Le malheureux se leva en tremblant. « Halte !» commanda alors la voix puissante du détective. « Vous n'emmènerez pas Mr. Powell d'ici pour la seconde fois. » Le chef lança un ricanement moqueur auquel les autres firent chorus. « Tenez-vous tranquille, Mr. Nick Carter, » dit le masque. « Nous sommes cinq contre vous, et si vous faites seulement un geste, vous êtes mort. D'ailleurs, cette rencontre nous est très agréable, car nous pouvons ainsi régler tout de suite nos comptes avec vous. Nous n'avons pas envie que vous dévoiliez nos secrets. J'étais caché dans le cabinet noir. J'ai écouté votre conversation avec Mr. Powell, et je constate que vous en savez déjà trop long. La rencontre ne m'est pas moins agréable, » repartit Nick d'une voix menaçante. « Cinq drôles de votre acabit ne me font pas peur. Feu !» rugit le chef. Cinq détonations crépitèrent, mais il était trop tard. En prononçant son dernier mot, Nick avait renversé la veilleuse d'un coup de pied, de sorte que la chambre se trouva plongée instantanément dans une obscurité impénétrable. En même temps, le maître avait soulevé la lourde table de chêne pour s'en faire un bouclier. Les balles se fichèrent dans le bois. Alors Nick Carter s'élança en avant avec la table et s'en servit pour renverser deux de ses adversaires. Après quoi, il projeta le meuble pesant du côté de la petite porte et tendit les bras dans les ténèbres. Il empoigna deux des scélérats au collet, et entre ses mains puissantes, ce n'étaient plus que de pauvres êtres inoffensifs. Il les secoua avec violence, les heurta plusieurs fois l'un contre l'autre. Les misérables hurlaient de douleur et s'affaissèrent bientôt inanimés. Alors le grand détective les lâcha, et cherchant encore à saisir un nouvel adversaire, mais il ne trouva que le vide. Si vite qu'il eut agi, les autres scélérats avaient le temps de consommer leur forfait, ils s'étaient esquivés par le cabinet noir. Le détective, sans se soucier du danger, fit briller sa lanterne électrique de poche et vit que la chambre était vide. Il s'élança dans le cabinet, juste au moment où l'on fermait du dehors la porte du palier en tournant une clé dans la serrure. Nick Carter se jeta de toutes ses forces contre le panneau, qui craqua et gémit, mais ne céda pas tout de suite. Le maître ne voulait pas prendre le temps de crocheter la serrure et il dut répéter plusieurs fois son assaut contre la porte avant de la faire sortir de ses gonds. Enfin, il put s'élancer sur le palier et descendre précipitamment dans le petit vestibule. Par l'enfer, les misérables avaient fermé aussi à clé la petite porte du jardin. Le maître se résigna à se servir de ses passe-partout, mais il dut travailler une bonne minute pour ouvrir la porte, tandis que des policemen, attirés par le bruit des détonations, arrivaient de l'autre côté et pénétraient dans la chambre de Powell. Comme il sortait dans le jardin, Nick Carter vit un cab qui s'éloignait derrière la grille par la rue transversale. Il vendit le poing derrière la voiture. « Vous ne m'échapperez pas, coquin » s'écria-t-il. « Nick Carter reste sur votre trace et vous livrera tôt ou tard à la justice. » Il rentra dans la maison où tout le monde était en émoi. L'inspecteur McCluskey, qu'on avait averti par le téléphone, ne tarda pas à arriver et apprit avec épouvante par Nick Carter ce qui venait de se passer. On trouva dans la chambre de Powell les deux malfaiteurs que le détective avait assommés en leur cognant la tête l'un contre l'autre. La table gisait brisée à côté de la porte du cabinet et toute la pièce offrait l'image de la dévastation. Henry Powell avait été enlevé encore une fois par les trois malfaiteurs qui avaient réussi à s'échapper. Nick Carter ne se cachait pas que le malheureux était en grand danger. Il importait donc d'agir le plus promptement possible. « Envoie chercher un médecin pour tâcher de ranimer ces deux coquins. » dit Nick McCluskey. Je doute fort qu'on puisse leur arracher un mot, mais il ne faut rien négliger. Peut-être l'un d'eux se décidera-t-il tout de même à soulager sa conscience. Sois sans inquiétude, dit McCluskey. J'ai une façon spéciale d'interroger de semblables gredins, et j'espère les décider à parler. Tu les as mis dans un bel état, diable, mon cher. Je ne voudrais pas être obligé de me battre avec toi. Cette réflexion fit rire le grand détective. « S'il s'agissait de toi, je procéderais avec plus de douceur, George, » dit-il. « D'ailleurs, je ne traite pas brutalement les malfaiteurs eux-mêmes quand ils n'en veulent pas à ma vie. S'ils m'obligent à me défendre, alors je ne les ménage plus. » Il se disposait à s'en aller. « Tu pars, Nick ?»« Oui, je poursuis mes opérations. Je ne veux pas laisser aux coquins le temps de respirer. Si tu avais d'ici quelques minutes une communication à me faire, téléphone-moi à l'hôtel du Tennis Club Victoria. » Le détective sortit à ces mots et retourna rapidement au club. Le médecin que McCluskey avait envoyé chercher parvint à ranimer un des deux malfaiteurs, mais le scélérat, comme Nick Carter l'avait prédit, refusa de répondre aux questions qui lui furent posées. On ne put même pas lui faire dire son nom. Les deux misérables étaient assez bien mis. Le docteur diagnostiqua chez l'un comme chez l'autre une grave fracture du crâne et il y en avait un dont l'état semblait désespéré. On les transporta à l'infirmerie de la prison des Toms. Et l'inspecteur McCluskey, qui avait espéré obtenir d'eux la solution de l'énigme de la seconde disparition de Mr. Henry Powell, se vit amèrement déçu. Il n'osait pas compter que le maître lui-même réussirait à capturer la bande redoutable.